Bienvenue à toi, bonjour à tous. C'est le double expresso, RTL2. Bon réveil à tous, il est 6h. On ne veut pas savoir. Les infos, c'est avec Fabienne Tercaef avant Nirvana. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors, pas de grève unitaire à la SNCF pour cet été. L'UNSA a décidé hier soir lors de la réunion intersyndicale sur la poursuite du mouvement de ne pas poursuivre la grève en juillet, au contraire de la CGT et de Sud qui devraient s'acheminer vers un arrêt de travail les 6 et 7 juillet. La CGT devrait donner prochainement le détail du calendrier. La grève perlée commence en avril, doit s'achever le 28 juin. L'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne sous haute surveillance ce matin. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des attentats de Paris en novembre 2015, y a été admis en urgence cette nuit. Il doit y être opéré de l'appendicite. Salah Abdeslam, 28 ans, est incarcéré sous haute surveillance et sous haute sécurité à Fleury-Mérogis depuis le printemps 2016. Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Washington a largement critiqué l'institution hier, l'accusant d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Hasard du calendrier, cette annonce intervient au lendemain de vives critiques contre la politique des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Sur la politique migratoire en Europe, cette fois, rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron hier à Berlin. Le président français et la chancelière allemande ont annoncé souhaiter un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen. Ils souhaitent refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Les frères Bogdanov en garde à vue. Igor et Grishka Bogdanov, célèbres pour avoir animé l'émission Temps X dans les années 80, sont entendus depuis hier dans un commissariat parisien. Ils sont soupçonnés d'escroquerie sur personnes vulnérables. Et puis, la Russie voit grand pour son mondial de foot. Les Russes ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale hier en battant l'Égypte 3-1. Grosse surprise du côté du Japon qui a battu la Colombie 2-1. Le Sénégal a sauvé l'honneur de l'Afrique en gagnant contre la Pologne 2-1. Mais tous les regards sont tournés depuis hier sur l'équipe du Brésil et Neymar. Le joueur est sorti de l'entraînement en boitant en raison de douleurs à une cheville. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui sur tout le pays. Soleil et chaleur aussi. Dès ce matin, le soleil brillera sur la plupart des régions. On devrait avoir quand même en début de journée un ciel assez gris sur les côtes de la Manche. Mais dès le milieu de la matinée, le ciel va se dégager pour laisser place à un beau ciel bleu. À noter quelques orages possibles dans l'après-midi, cette fois sur le sud des Alpes avec 2-3 gouttes aussi, avant de se calmer pour la nuit prochaine. Les températures ce matin, 11 à 3, 13 à Rennes, 16 à Lille, 17 à Toulouse, 19 pour Lyon, Paris et Calvi. Ça va grimper jusqu'à 30, 31 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 32 au sud. 6h03, c'est le double expresso RTL2. Hey, bonjour Justine. Hey, bonjour Greg, salut à tous. Bonjour à vous. Et bienvenue, t'es avec le son pop rock d'RTL2 pour attaquer ce mercredi matin. C'est Nirvana, The Man Who Sold the World sur RTL2. We passed upon the stairs. Spoken wasn't well, although I wasn't there. I said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no. The Man Who Sold the World sur RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Bon début de journée, c'est mercredi aujourd'hui, c'est le 20 juin qui démarre, c'est la 399e, donc pour la 400e, on fera la fête, on y revient dans quelques secondes. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, pleine forme, oui. Une bonne journée, une bonne nuit, tout va bien? Oui, moi j'ai toujours pas fait de sport. Non. J'ai mangé. Non, je suis pas sur une semaine sport. Non. Je suis sur une semaine plutôt manger. Oui, c'est pas étonnant en vrai. Et toi? Bah, j'ai bossé, tu sais, Coupe du Monde oblige. Il y avait du boulot à la télé, donc là sur la chaîne d'équipe, on est à fond. J'ai encore entendu dans la rue qu'il y avait des buts, mais oui, je sais pas d'où. Ça crie, hein, c'est dingue. Hein, les gens sont. Vous êtes passionnés par cette Coupe du Monde et il y a bien, bien des raisons d'ailleurs à cela. Bonjour Jonathan O'Donnell. Salut l'équipe. Ça va? Ah ouais, ça va très bien. Je suis là à 6h55, 8h55. Dans toute l'émission. Mais on parlait de la Coupe du Monde, vous qui regardez le foot, on est d'accord que tous les favoris perdent ou Non, bah la France n'a pas perdu et fait quand même partie des favoris. Ah, on signale dans l'oreillette que c'est chiant. Par contre, on va pas faire un débrief foot vrai. Complet. Bonjour Jérémy. Bonjour l'équipe, ça va bien? Tu vas bien, ouais, ça va super. Ça va. Et bonjour à Max qui s'occupe bonjour. De vous sur les réseaux sociaux. Demain, fête de la musique. Jason Mraz, il sera notre invité demain matin. Quelques places encore pour nous rejoindre dans le mini live. Les toutes dernières. Ah bah les toutes dernières. Pour le coup, ça se passe en MP du côté de la page Facebook du Double Expresso RTL 2. Vous venez nous rejoindre et vous venez participer à la fête dès 8h sur la page Double Expresso RTL 2. Cut Some Trees, Keep On Dancing à 6h07. Bonjour, bienvenue. Keep On Dancing, tu nous disais que tu étais sur une semaine de nourriture plus que de sport, ouais. Il y a quelques secondes, Justine, du coup tu en as fait une info expresso, t'as mixé à tes passions. Ouais, est-ce que vous cuisinez vous en faisant la cuisine? Ouais, ça, je cuisine en faisant En faisant la cuisine, ouais. Ça, je te confirme, je fais la cuisine. Ça, je te confirme que quand Est-ce je fais la cuisine. Est-ce que vous écoutez de la musique en faisant la cuisine? Oh là là là. Ouais, bah, non, ouais, un peu. Ouais. Là, peut-être que vous préparez le petit-déj en nous écoutant, eh bien, vous allez voir que vous êtes comme la majorité des Français. Ce sera l'info. Vous cuisinez en cuisinant. Expresso, en cuisine. En cuisinant sur RTL. In Excess? Bah, quand j'entends In Excess, j'ai envie de cuisiner. J'ai envie d'écouter de la musique en musiquant. Tu vois, j'ai envie de te dire. À tout de suite sur RTL 2. C'est votre commandant de bord Francis Zégut qui vous parle. Bienvenue sur Pop Rock Station Airlines pour un voyage au cœur du son pop rock RTL 2. Une collation et un plateau repas vous seront servis avec quelques morceaux classiques et des nouveautés. Quelques turbulences seront à prévoir avec quelques riffs de guitares énervées. Attention, décollage ! Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zégut sur RTL 2. Merci madame. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. Life's like this. That's the way it is. She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one. But you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't. You look like a fool to me. Tell me what is it gonna make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you crawl and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. Over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody. C'est le double expresso RTL 2. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Et salut Greg. Bonjour tout le monde. Bienvenue évidemment. Il y aura votre horoscope d'ici une dizaine de minutes. Il y aura le premier jeu de la matinée à 6h45. Le tube de la brosse à dents RTL 2. Avec à gagner 511€ à dépenser sur le site spartoo.com. Cette semaine, vous nous appelez au 3228. Entre les deux à 6h35, le winner du jour, le top 3 de Jonathan. Mais tout de suite, In Excess avant l'info expresso. Original Sin sur RTL 2. You might know of the original sin. You might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. time when I did not care. And there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dans le double expresso RTL de Original Sin, 6h19. L'info expresso RTL 2. Bon petit déj, si tel est le cas, c'est l'info expresso trouvée sur le web, dans la presse, c'est l'indispensable du jour et c'est Justine qui nous parle de musique et de cuisine. Donc. Vous savez, c'est la fête de la musique là, le 21 juin, c'est demain. Demain. C'est demain. Et Kitok.fr a voulu savoir si la cuisine était un lieu dédié ou pas aux arts musicaux. Alors, vas-y. Alors, lorsque vous préparez vos repas, écoutez de la musique. Est-ce que vous écoutez de la musique ? Non, en fait... Moi, j'ai toujours les enfants dans les pattes, souvent. Moi, j'avoue avoir la télé en fond sonore. Ouais. Alors, c'est pas pareil. La musique, est-ce que... Tu veux dire, est-ce qu'on met une musique vraiment... Jérém, toi qui cuisines beaucoup ? Oui, ça m'arrive de mettre ça. Bah, c'est étonnant. Et toi ? Oui, moi, oui, il y a de la musique tout le temps. 4 pour 91%, c'est Louis qui l'emporte. 91% tout de même. Hein. Ah, c'est grand. Hein. 62% des personnes interrogées pensent qu'elles cuisinent bien mieux lorsqu'elles sont accompagnées de musique, même. Je vais casser cet œuf. Tempo, tempo, j'ai mixé l'œuf. Mais complètement. Moi, je fais des chorés avec mes ingrédients et tout. Et c'est grâce à la radio que les Français écoutent le plus de musique en cuisinant. Ça, ah, ouais, ça moi, c'est bien. J'ai souvent RTL2 en fond, c'est sûr. Ah, bah, ça, c'est parfait. Ouais. C'est une très bonne idée. Français passent à table en musique également. 52% disent qu'elles mangent la plupart du temps avec un petit fond musical pour les accompagner. Bah, moi, jamais. Bah, t'as des enfants, bah, ça, ça suffit. Hein. C'est un bon fond musical déjà, les enfants. Ah, c'est un brouhaha musical terrible. C'est un Français sur deux qui mange en musique, ouais. Donc en fait. D'accord, bah, merci pour tous ces chiffres. Justine, on retrouve tout ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Je sais pas, je suis étonné, un Français sur 10. Tu m'épates, là, juste. Bah oui. Cette chanson chez Alexis. Hein. Alexis, chaque soir, les nouveautés du lundi au jeudi à 19h et le vendredi à 20h. Scarlett Johansson et Pete Yorn, c'était Bad Dreams. C'est l'heure de l'horoscope. Médaille de bronze pour les cancers, Greg. La chance vous boude ce matin, ça ira mieux demain. La chance vous boude, c'est oui. Rigolo. Balance. Tu boudes ? Oui, je suis la chance. Vous êtes trop excessif, les balances, soyez plus mesurés. Et les poissons ? Vous n'êtes pas très partageurs, pensez aux autres. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous mettez les bouchées doubles avant l'été, cela vous apportera de bonnes surprises. Taureau. Vous réussissez tous vos projets et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les gémeaux. Vous êtes l'élément moteur de votre couple. Célibataire, vous boostez votre entourage. Les lions. Vous avez envie de profiter de la vie, vous ne vous fixez pas de limites. Vierge. Vous ne comptez pas vos heures, votre professionnalisme est apprécié. Les sagittaires. Vous faites attention à vos finances, cela vous aide plus que vous ne le croyez. Capricorne. Vous avez la capacité à prendre les bonnes décisions, on s'en remet souvent à vous. Les Verseaux. Vous avez envie de rire aujourd'hui, hein. Vous laisserez les contraintes de côté. Et puis médaille d'or pour les scorpions. Vous attaquez la journée avec le sourire et vous le garderez, rien ne viendra vous contrarier, surtout pas le son pop rock d'Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. C'était Perfect dans le double expresso RTL2 à 6h28. Si vous croisez un copain qui s'appelle Silver, vous lui souhaitez une bonne fête. J'avoue que je ne savais pas. Silver. Ouais, je ne connaissais pas bien ce prénom. On connaît des Silver dans l'entourage, là, l'équipe ou pas? Non, pas de Silver. Bon, bah, bonne fête au Silver, évidemment. Et puis, on va jouer avec Bruce Springsteen, qui lui aussi a un nom rigolo, hein, 32-28. Pour gagner quoi? Pour gagner 500 euros à dépenser sur le site spartou.com. Il y a tout chez Spartou, là. Moi, j'y suis, je vous avoue, depuis le 6h. J'ai fait un panier. Ah oui, t'as fait le panier? Ouais, bah je vais pas valider, mais il est là. Attends, c'est l'anniversaire de Nicole Kidman aussi. Bon, je reste à ce soir avec elle. On se retrouve dans quelques secondes pour le premier winner du jour à 6h35 sur RTL2. RTL2 présente Jacob Banks. Yo, I'm Jacob Banks on RTL2, the pop rock radio. Dès que vous entendez Unknown to You de Jacob Banks, soyez les premiers à appeler RTL2 au 3228 et gagnez un smartphone Samsung Galaxy S9. Jacob Banks, vous l'avez découvert sur RTL2. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Il est 6h30, vous écoutez le double expresso RTL2. Il est temps de retrouver Fabienne Tercaef pour les infos. Bonjour Fabienne. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les États-Unis créent encore des remous. Washington a largement critiqué le Conseil des droits de l'homme de l'ONU hier et a claqué la porte de l'institution. Les Américains accusent le Conseil d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Hier déjà, les États-Unis ont été vivement critiqués pour leur politique migratoire en séparant des centaines d'enfants de leurs parents mexicains sans papier. Donald Donald Trump a annoncé hier qu'il mettrait fin à ces séparations uniquement avec la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. En France, Emmanuel Macron en Bretagne. Le président de la République se rendra dans les Côtes-d'Armor et le Finistère pendant 2 jours. Il prononcera demain un discours devant les élus bretons à Quimper. Le chef de l'État devrait évoquer les dossiers sensibles de la pêche, des énergies renouvelables en mer et du désenclavement après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le front syndical se fissure à la SNCF. Les syndicats se sont retrouvés hier pour décider de la suite de la grève perlée commencée en avril et l'UNSA a décidé de sortir du mouvement après le 28 juin, date à laquelle doit s'arrêter la grève. En revanche, la CGT et Sud ont décidé de continuer le mouvement et prévoient une grève les 6 et 7 juillet prochains. De la prison ferme pour les agresseurs d'un couturier chinois en région parisienne, les deux hommes qui étaient auteurs d'une agression mortelle à caractère raciste en 2016 sur un chinois d'Aubervilliers ont été condamnés hier à des peines de 10 et 4 ans de prison. L'affaire avait eu un fort retentissement dans la communauté asiatique et plusieurs manifestations avaient eu lieu à Paris. Le mondial de foot, la Russie, le Japon et le Sénégal ont remporté le match hier et à suivre aujourd'hui Iran, Espagne, Portugal, Maroc et Uruguay, Arabie Saoudite. Et puis le meilleur restaurant du monde est italien. Il s'agit de l'Osteria Francescana à Modène, déjà sacrée en 2016. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui sur tout le pays. Soleil et chaleur aussi. Dès ce matin, le soleil brillera sur la plupart des régions. On devra avoir quand même un début de journée assez gris. Un temps maussade sur les côtes de la Manche. Mais dès le milieu de la matinée, le ciel va se dégager pour laisser place à un beau temps bleu. À noter, quelques orages possibles dans l'après-midi. Cette fois dans le sud des Alpes avec 2 ou 3 gouttes aussi avant que ça ne se calme pour la nuit prochaine. Les températures en ce moment... 11 degrés à 3, 13 à Rennes, 16 à Lille, 17 à Toulouse, 19 à Lyon, Paris et Calvi. Pour cet après-midi, jusqu'à 30, 31 degrés au nord et 32 au sud. 6h32, c'est le double expresso RTL2 en ce mercredi 20 juin. Bonjour à tous et bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Ton premier winner ? Oui, si vous partez en vacances et que vous êtes du genre tête en l'air comme moi, eh bien un petit conseil, prenez votre nom et prénom en photo, ça peut servir. Nom et prénom en photo. Explication dans un instant. Juste après Keane, Somewhere Only We Know, dans le double expresso RTL2 à 6h33. Bonjour. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I'm Only We Know sur RTL 2, 6h35. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Premier winner avec Justine, donc il faut prendre notre nom et notre prénom en photo avant de partir en vacances. C'est une jolie histoire, une histoire comme je les aime. Moi, j'ai trouvé ça sur westfrance.fr. Alors, je vous explique. Il y a une quinzaine de jours, une jeune femme française a été contactée via Facebook par un inconnu. C'était pas pour la draguer, hein. C'est juste parce qu'il avait retrouvé la carte mémoire de son appareil photo dans une chambre d'hôtel d'une pension à Rennes. C'était un petit village en Norvège. Ah, c'est pas Rennes, près de chez nous? Non. D'accord. Et un village dans lequel elle se trouvait en juillet 2017, donc il y a près d'un an. Ah bah oui, okay. Carte mémoire de photo. Et en effet, il lui manquait bien une carte mémoire qui contenait les photos du début de son voyage. Alors cet inconnu, il s'appelle David, il est hongrois, il est étudiant en géologie. Il a été hyper cool, quoi, parce qu'il a vu la carte. Il l'a envoyé par la poste et elle arrivait à sa propriétaire. Mais comment il a retrouvé la propriétaire? Parce que il a regardé les photos, donc avec la carte. Il a mis la carte à l'ordi, d'accord. À la recherche d'un indice sur une des photos, le nom de la jeune fille était inscrit sur son ordinateur portable et il a donc lancé une recherche sur Facebook et il l'a retrouvée. Ah oui, donc grâce à la lecture de la carte SD, il a réussi à lui renvoyer. Il a regardé les photos, il a vu son nom sur un petit bout d'ordinateur quand même. Ah, non, mais c'est bien, c'est un inspecteur Colombo en puissance. Bah, bravo en tout cas. C'est une belle histoire comme tu les aimes tous les matins, toi. En tout cas, faut pas se fâcher avec ce gars, hein, parce que comme le gars c'est tout sur tout le monde, tu vois, je pense que notre ami, tu m'as dit qu'il était étudiant, c'est ça? Oui, il s'appelle David. Notre ami hongrois restera notre ami à tous. On va écouter Adèle, c'est Rolling in the Deep sur RTL 2. Bravo Justine. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you, don't underestimate the things that I. It's bringing me out the dark. RTL2 à 7h20. Jonathan Donnel arrivera tout à l'heure. À quelle heure, Jonathan? À 6h55. C'est bien, tu connais ton agenda. Et puis avant cela, nous jouerons. Hein. On va jouer au tube de la brosse à dents, là, dans 5 minutes. Appelez-nous au 3228 pour gagner 500€ à dépenser sur le site spartoo.com. Et puis il y aura Oasis.

Sometimes I feel like giving up, but I just can't. On prend une petite journée d'avance pour fêter la musique. Avec eux, c'est toujours comme ça. Les frères Gallagher Oasis, ça vous va ? On valide. Allez, voici Whatever dans le double expresso RTL de Bon Réveil. Whatever sur RTL2, il est 6h50. RTL2, le tube de la brosse à dents. Live from Louvre, en direct depuis Louvre dans le 95. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Grégory, bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ben écoutez, ça va très très bien. Dites donc, il paraît que vous êtes deux. Oui, on est deux, effectivement. Vous êtes enceinte ? C'est cool. Tout à fait. Bon. Oui. Et surtout, ce que nous a dit Vivi que vous avez eu au standard, c'est que vous cherchez un prénom. Tout à fait. Alors, c'est quoi? Vous cherchez un nom d'île, c'est ça? Un nom d'île, oui. Une île paradisiaque? Voilà. Ah, ben, on va chercher. Nouméa, j'aime bien. C'est pas. Oui, mais enfin, c'est la Nouvelle-Calédonie. Oui, Nouméa, c'est une ville. C'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Bah oui. Mais. On va pas avoir trop le temps, là, par contre, Juju. Oh. Hein, je te. Enfin, c'est ça pas. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Ouais. Bah, je prends ça très à cœur. Hein. Oui, mais écoutez, on vous fera des propositions par SMS. Là, on va jouer quand même pour gagner 500€ sur spartoo.com avec Bruce Springsteen, qui n'est pas une île, qui est perché, par contre. Bonjour, Bruce. Bonjour, les pop rockers. Moi, j'aurais proposé l'île de la tentation, mais bon, je pense que c'est un drôle de prénom. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Il est bon. Ouais, non, parce que île de la tentation, présent, non, c'est long, hein, franchement. Allez, on y va. Bonne chance, Virginie, à vous de trouver sa chanson. Merci. À toi, Bruce. You're in a fire, you're in a struggle. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Alors, Virginie. Je sais pas, police. Non. Elle a un nom de couleur. Elle a un nom de pink. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Pink. Bah oui, c'est pink. Oh tu vas te débrouiller avec tous les services cadeaux. Oh, écoutez, vous êtes enceinte, ça m'émeut, je sais pas, lundi c'est arrivé. Non, mais à défaut d'avoir trouvé le prénom, vous m'avez bien aidé quand même. Voilà. Bah, moi je pense que vous pouvez l'appeler Pink, comme ça du coup maintenant, c'est officiel. Je pense que ce serait un bel hommage. Bravo en tout cas. Merci. 500€ à dépenser, comme vous l'entendez, plein de paniers sur spartoo.com. Plein de belles choses, Virginie, pour vous et le bout de chou. Et. Merci. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Virginie? Ah bah, double expression, évidemment. We were on fire, I set your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're messed up. Cause I've been on the run so long, they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times, times they keep coming all night. Laughing and bumping. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you.

ain't you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Et si à Dust Till Dawn sur RTL de 7h07. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. C'est familial, c'est générationnel, c'est le double expresso. Bonjour à tous, bonjour Justine. Et bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe, regardez cette équipe qui va vous faire un bonjour collectif. 1, 2, 3. Bonjour. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont jeunes, ou presque frais en tout cas, et c'est presque jeunes. Jérémy est aux manettes de l'émission, bonjour. Bonjour, Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Bonjour à Max qui est aux réseaux sociaux. Vivi au standard jeu qui est prête pour vous, pour la banque, hein, d'ici une quarantaine de minutes à 7h45 au 32-28. Bon, on joue tous à Mario Kart dans l'équipe, tout le monde y joue. Ah oui, c'est déjà arrivé. Je joue pas du tout aux jeux vidéo sauf ça. Mario Kart, c'est vrai que ça permet de jouer ensemble, en famille, entre copains. J'imagine que vous qui nous faites le plaisir de nous écouter, vous vous retrouvez régulièrement autour d'une partie de Mario Kart. Si c'est pas le cas, vous connaissez au moins non. On l'a fait il y a quelques années, quoi. On sait qui est le chouchou absolu pour jouer à Mario Kart. Quel est le personnage idéal? Je dirais logiquement Mario. Non. Moi j'aime bien Bowser, Bowser, le méchant. Bowser, le costaud. Non. Yoshi, je dirais. Non. La princesse. Non, pas Peach. Jérém. Le gros orang-outan. Donkey. Non, c'est un gorille, c'est Donkey Kong, le gros. Donkey Kong. Non, mais est-ce que tu peux avoir un peu de respect? Non, Justine Salmon, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu peux avoir un peu de respect pour Donkey Kong qui a passé des décennies à faire rêver des enfants? Tu l'appelles pas le gros orang-outan. Donkey Kong. C'est Wario, le maléfique Mario, qui est le personnage idéal pour aller vite et être costaud dans Mario Kart. On en apprend des choses dans le double expresso RTL 2. But

8h16, attention, 3, 2, 1. Oui, c'est Jacob Banks derrière. Tu entends le... J'entends complètement, oui. Cette chanson, vous l'avez découverte sur RTL2. Elle vous rapporte un cadeau exceptionnel, le nouveau Samsung Galaxy S9 pour les plus rapides au standard jeu d'RTL2, le 32-28. Bonne chance. I believe what I said. Why does everyone have me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh, no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. And what I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Jacob Banks, Unknown, sur RTL2, 7h19. L'Info Expresso, RTL2. L'Info Expresso, tous les jours, on fouille la presse et on fouille le web pour vous trouver le meilleur. On sélectionne tout ça. Exactement. Alors, en ce moment, l'actu, c'est évidemment la Coupe du Monde de foot. Là, oui. C'est incontestable. C'est la une de tout, tous les magazines, toutes les émissions. Mais grâce à GQ, je vous ai trouvé le sport le plus sexy selon les hommes et les femmes, pour les hommes et pour les femmes. Alors, ambiance. C'est le site Golf Support qui a interrogé 1750 hommes et femmes sur les sports les plus sexy. Non, aucun rapport avec le golf, c'est juste le site de sport, je vous rassure. Quel est le sport que les femmes considèrent comme le grand gagnant, le plus sexy? Celle qui, quand elles le regardent, se disent « Oh !» Je dirais le foot. Pas du tout. Ah non, moi je dirais le tennis. Pas le tennis, tout. Ouais. Non, la natation. Non, c'était pas mal. Ah non, je sais. Vas-y. Le rugby. Le rugby. Ah ouais. Bah oui, c'est très masculin, quoi. T'as entendu le... Ouais, tu ressembles pas trop à rugby, Jonathan, je pèse 13 grammes. Il se met des coups. Ça m'arrange pas. Hein. 50% des femmes considèrent le rugby comme le grand gagnant. Le football, c'est 17%. Et ensuite, tennis, natation, athlétisme, 10% des votes. Bon... c'est pas une bonne nouvelle pour nous, pour nous, ça va pas se mentir. Zéro pour le cyclisme, le badminton et le cricket. C'est pas considéré comme super sexy. Bah oui, les hommes, quel sport fait que quand elles regardent les athlètes féminines, sont propres, quoi. C'est bien. Moi, je dirais le volley. Ah, c'est une bonne idée. Non, c'est pas le volley. C'est le tennis qui est couronné comme sport féminin le plus sexy. J'imagine avec l'histoire de Kornikova, Sharapova, qui vous voulez. Il y a des belles athlètes, ouais. Voilà, battant l'athlétisme de peu sur la ligne d'arrivée. Et la natation est troisième. Et alors le football féminin, seulement 5%. Donc en gros, les gars, il faut aller à la salle de sport, s'acheter un petit protège-dents, et puis muscler notre jeu. Hein, parce que là, on est un peu chétif pour être... Muscle ton jeu, totalement sexy. Ouais. Bah, et puis il y a Lenny Kravitz qui arrive derrière. C'est un peu impeccable. C'est une matinée humiliation pour nous. Voici I'll Be Waiting sur RTL 2. He broke your heart. He took your soul. You hurt inside. Cause there's a hole. You need some time to be alone. And then you will find what you've always known. I'll be waiting à 7h25 dans le double expresso RTL2. C'est l'heure de l'horoscope. Voici les médailles de bronze et on attaque avec les cancers. La chance vous boude ce matin, ça ira mieux demain. Balance. Vous êtes trop excessif les balances, soyez plus mesurés. Poisson. Vous n'êtes pas très partageur, pensez aux autres. Les médailles d'argent avec les béliers. Vous mettez les bouchées doubles avant l'été, cela vous apportera de bonnes surprises. Taureau. Vous réussissez tous vos projets, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Gémeaux. Vous êtes l'élément moteur de votre couple. Célibataire, vous boostez votre entourage. Les lions. Vous avez envie de profiter de la vie, vous ne vous fixez pas de limites. Les vierges. Vous ne comptez pas vos heures, votre professionnalisme est apprécié. Sagittaire. Vous faites attention à vos finances, cela vous aide plus que vous ne le croyez. Capricorne. Vous avez la capacité à prendre les bonnes décisions, on s'en remet souvent à vous. Verseau.

américaine de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Sur la politique migratoire en Europe, cette fois, rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron hier à Berlin. Le président français et la chancelière allemande ont annoncé souhaiter un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen. Ils souhaitent refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Les frères Bogdanov en garde à vue, Igor et Grishka Bogdanov, célèbres pour avoir animé l'émission Temps X dans les années 80, sont entendus depuis hier dans un commissariat parisien. Ils sont soupçonnés d'escroquerie sur une personne vulnérable et de lui avoir pris 800 000 euros. Et puis la Russie voit grand pour son mondial de foot. Les Russes ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale hier en battant l'Égypte 3-1. Grosse surprise du côté du Japon qui a battu la Colombie. Le Sénégal a sauvé l'honneur de l'Afrique en battant la Pologne. Mais tous les regards sont tournés depuis hier sur l'équipe de Brésil et Neymar qui semble blessé à la cheville. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Soleil et chaleur aussi. Dès ce matin, le soleil brillera sur la plupart des régions. On devrait avoir quand même un début de journée un petit peu gris sur les côtes de la Manche avec, dès le milieu de la matinée quand même, un ciel qui va se dégager pour laisser la place à un beau ciel bleu. À noter quelques orages possibles dans l'après-midi, cette fois sur le sud des Alpes, avec 2-3 gouttes aussi avant que le temps ne se calme pour la nuit prochaine. Les températures ce matin, 12 degrés à 3, 15 à Rennes, 17 à Lille, 18 à Toulouse et également du côté de Lyon. 7h32, bonjour et bon début de journée. Vous êtes à bord du double expresso RTL2. Bonjour Greg, bonjour à tous. 399e, demain c'est la 400e, c'est la fête de la musique en live avec Jason et Mraz. On vous en reparle dans un instant et puis ma chanson du jour va vous faire décoller juste après Angus et Julia Stone. Je sais. Pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smiled at daisies, she smiled at daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Et Julia Stone sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. Ah là là, Justine. Je suis ému. Ah bon ? Je vais pouvoir en parler à la radio parce que vraiment, je suis très ému. Bon, Top Gun 2 a commencé le tournage Oui. Incroyable, on en avait parlé. Ça, tu nous en parles bon, beaucoup. Top Gun 2 a commencé. Ben ouais, c'est un de mes films cultes, Top Gun. Bon, ça a été rediffusé l'autre fois, la télé. J'ai live tweeté. Oh là là, quel bonheur de revoir tout ça. Bon. J'ai live tweeté. Top Gun 2 est lancé, du coup, comeback en 86. Top Gun, film numéro 1 au box-office. Numéro 1 également du côté des charts, avec une chanson signée Berlin. Take My Breath Away, un des plus beaux slogans qui soit, évidemment. Complètement cucu, hein. Je vais l'assumer, je vais la revendiquer. On va écouter ça? Bah, bien sûr, c'est génial. Ma chanson du jour, le bisou entre Tom Cruise et Kelly McGillis. Alors, c'est vrai que c'est un peu un film de propagande, hein, à la base, exprès pour renforcer l'US Air Force. Mais nous, qu'importe, on aime bien Take My Breath Away de Berlin, composé par le grand Giorgio Moderer, star des années 80. C'est numéro 1 dans le monde et c'est ce matin dans le double expresso RTL 2. On va écouter ça au casque. Montez le son. Berlin sur RTL. Watching every motion in my foolish lover's game. All this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning every turn into some secret place inside. Comme son nom ne l'indique pas, groupe américain qui vient de chanter Take My Breath Away dans le double expresso RTL 2. Hey, c'était les booms. On fermait les volets pour faire croire que c'était la nuit. C'était le quart d'heure américain. Les premiers bisous avec la langue. Merde.

9h, c'est le double expresso RTL 2. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sur RTL 2. Ah là là. C'est l'heure de la banque RTL 2. On rigole à une bonne humeur. Moi-même, je ne sais pas pourquoi tu rigoles alors. Mais je ne sais pas. Tu sais, c'est la fatigue, c'est les nerfs. Il se raconte des blagues tout seul, Greg, en antenne. Il est fascinant, vraiment. 8h-10. Bon, allez, on accueille Stéphanie pour la banque. Bonjour Stéphanie. Bonjour Justine, bonjour Greg. Bonjour Steph, ça va? Ouais, super. Je suis avec vous, je suis trop contente. Vous êtes située où, dites-moi? Je suis dans l'Isère, entre Grenoble et Lyon. Et vous venez d'amener votre fille au bac? Ah, ouais, c'est ça. C'est ça? Alors, oh c'est quoi aujourd'hui? C'est langue LV1, c'est ça? Bah, elle est en première, donc elle passe les sciences. Ah oui, c'est science aujourd'hui pour les premières. Ouais. Bon, on est tout cœur avec elle, elle nous entend plus, mais enfin bon, transmettez-lui des pensées. Ouais, et bah, vous n'êtes pas trop stressée surtout? Parce que les parents, il faut y penser aussi. Hein. Bah, un petit peu, hein, ouais. Stress, elle a mis le réveil à 5h du matin, elle s'est pompée ce matin. Bah, vous avez du pot, parce que moi, la mienne, elle s'en fichait, elle était à moins le quart, oui, sympa, c'est bon, ouais, tout va bien. Non, bravo en tout cas, on lui souhaite le meilleur, un gros merci tiens, pour votre fille. Merci, évidemment. Bon, Stéphanie, on vous souhaite 10 000 euros, des vacances, ouais, des iPads, des téléphones, plein de belles choses. C'est la banque RTL2 qui s'ouvre là devant vous. Les coffres sont pleins. Top chrono, une minute, garant coffre vide. Ben c'est le coffre 1. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Allez, d'entrée de jeu. Ouais. 650 euros. Ah, c'est beau, hein. Mais je passe, que des fois, après, derrière, il peut y avoir quelque chose de bien. Je passe. Coffre 2. Une copie double, petit carreau. Ben voilà pour le bac. Je passe. Oh, ben oui, ouais. Vous n'êtes pas pragmatique. Coffre 3. Une guitare. Je passe. Coffre 4. Un smartphone Huawei P20 Lite. 369 euros le smartphone. Bon, décidez Stéphanie, coffre 5. Une platine vinyle. Je passe aussi. Attention. Il me reste 22 secondes. Coffre 6. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Des objets connectés pour la maison. Passe aussi. Oh là là, 12 secondes. Aïe. Ouais. On avait presque 2000 euros de gains dans cette banque. Bon, mais Stéphanie, au moins vous étiez décidée. Mais vous avez toujours été affirmative et décidée. Voilà. Tant pis pour moi. Bon, on vous offre un PES Person Be Well Connect, intelligent et connecté My Scale Analyzer. Merci. C'est pour vous. On vous embrasse. Plein de belles choses pour beaucoup. Vous et votre fille et son bac. Merci. À très vite et. Et n'hésitez pas à nous rappeler au 3228 surtout. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Stéphanie ? Un double expresso. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you. Lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. I'll always let you down. You shot it on the ground, still I find you there. That you always see the pretty view, overlook the mud and mess, always looking effortless, and still you want me. I got no innocence, faith ain't no privilege. I am a deck of cards, vice or a game of hearts, and sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Allez hop, ce matin, je mets une blouse, je remets mon costume de docteur Salmon pour les savoirs inutiles. Une piqûre, s'il vous plaît, docteur Salmon. Une piqûre. C'est pas possible, j'en peux plus. Le saviez-vous, la science explique généralement que l'on vient au monde avec seulement deux peurs innées. Ah. La peur de tomber

Out of Heaven sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. Précision, Grégory Achère, Justine Salmon et tout leur orchestre. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Eh bien voici l'orchestre et les solistes dedans. Jonathan Donnel, bonjour. Non, je vais tenter. Vous n'avez pas tous fait la trompette. Hein. Non. Quel gêne. Bonjour. Sinon, ça va quitter l'orchestre. Max des réseaux sociaux, bonjour. Bonjour. Jérémy, bonjour. Salut l'équipe. Et demain, c'est la fête de la musique. Abidjan, la nouvelle chanson de Jason Mraz. Jason Mraz qui sera donc avec nous à partir de 8h demain. Et si vous voulez assister à l'émission avec nous, c'est encore possible, il reste quelques places. Vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook de l'émission Le Double Expresso RTL2. Faut que vous soyez là demain à 8h hein, dans notre studio mini live en bas. On sera en direct en public avec deux lives de Jason Mraz. On vivra ça ensemble pour fêter la musique. Journée exceptionnelle puisque le groupe Delta sera avec Kevin Olivier entre 9h et midi. Il y aura entre midi et 16h Tibbs avec Pascal Langlois. Et puis dans le drive, les négresses vertes dans le drive avec Eric et Mathilde. Voici Sting, Englishman in New York sur RTL de 8h08. Bonjour. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Oh,

love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2. Expresso RTL de Top Something, 8h20. L'info expresso du double expresso RTL 2. Deux passions de Justine réunies en une seule info expresso, la cuisine et la musique. C'est vrai. Vous le savez, demain, c'est la fête de la musique. Hein, on vous en parle assez. Jason Amras sera avec nous à partir de 8h. Eh bien, Kitok.fr a voulu savoir si la cuisine était un lieu dédié à la musique. À la question, lorsque vous préparez vos repas, écoutez-vous de la musique? Les Français sont assez unanimes. Pour vous, c'est quoi? Alors moi j'ai la musique du micro-ondes quand ça fait bim bap à la fin. Ouais non ça marche pas. Ouais, le petit coup de cymbale. Ouais voilà c'est là. Je te demande une réponse hein, par contre. Non je t'écoute pas. Oh coup de pression. Je me fais engueuler. Ouais. T'as raison j'ai pas répondu. Non je mets pas de musique non. Alors sachez que pour 91% des Français ils préparent à manger en musique. Wow. 9 Français 91%. Ah, ouais. Mais c'est parce que je prépare pas à manger peut-être. Bah, peut-être. Ah ça joue. 62 personnes des personnes interrogées pensent qu'elles cuisinent bien mieux lorsqu'elles sont accompagnées par la musique. C'est mais c'est pas faux. Ah mais moi je cuisine et je change les paroles avec les ingrédients. Mais là tu le fais d'ailleurs quand on parle. On est toujours avec tes spatules en train de faire. Tu sais. Ouais. Et ça, bon, ça va nous faire plaisir. C'est grâce à la radio que les Français écoutent le plus de musique en cuisinant. Voilà, moi, je mets tout le temps RTL 2. C'est ça, pas c'est faux. C'est encore heureux. Hein. Quand tu cuisines quoi, par exemple? Je cuisine beaucoup. Par exemple, il a posé une question. De toute façon, je me fais engueuler ce matin. Hier, j'ai fait une quiche.

Du côté de la météo, aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce encore avec du soleil et de la chaleur également. Dès ce matin, le soleil brillera sur la plupart des régions. On devra avoir quand même un petit début de journée avec un ciel assez gris sur les côtes de la Manche. Mais dès le milieu de la matinée, le ciel va se dégager pour laisser place à un beau temps ensoleillé. À noter quelques orages possibles dans l'après-midi cette fois sur le sud des Alpes et 2-3 gouttes aussi avant de se calmer pour la nuit prochaine. Les températures en ce moment, 12 degrés à 3, 15 à Rennes, 16 à Lille, 17 à Toulouse, 19 à Lyon, Paris et Calvis, jusqu'à 31 au nord cet après-midi, 32 au sud. RTL 2. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. Fall apart. I feel like the ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even if for me. Whatever you want sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner qu'on a trouvé ce matin sur ladépêche.fr. Greg, raconte-nous tout. En plein bac, Justine. Là, en ce moment, c'est le bac. Vous le savez, aujourd'hui, c'est l'épreuve de LV1. Oui. Tout à l'heure, pour la chanson du jour, on était sur du Top Gun. Du coup, je me suis dit, on mixe tout pour le winner et on mélange Top Gun et bac. Et on obtient l'armée de l'air française qui a le souci des bacheliers. Car oui, figurez-vous que l'armée a promis de faire moins de bruit lors des épreuves. Lors du décollage et de l'atterrissage des rafales, les avions de chasse, qui font beaucoup de bruit hein, quand ils passent au-dessus des habitations, au-dessus des lycées. Eh bien là, ils ont promis de les faire décoller, par exemple, à Mont-de-Marsan, dans la partie la moins urbanisée de la ville, à l'opposé des établissements scolaires. C'est très respectueux. C'est plutôt sympa. Les rotations ont aussi été adaptées. Ils ont minimisé les créneaux de vol sur la tranche 8h midi. Comme ça, il y en a très peu. Ça ne dérange pas les bacheliers. Mm-hmm. C'est plutôt bien. C'est la même chose du côté de Saint-Dizier, du côté de Orange et de Istres. Donc, clairement, les lycéens n'ont aucune raison dans ces villes où c'est survolé par les rafales de rater le bac. Moi, je vous le dis, bravo l'armée, c'est une belle initiative. Du coup, les lycéens ne seront pas perturbés. Voilà. Eh bien, on applaudit. Moi, je pense que je vais faire ça avec mon voisin qui fait des travaux le dimanche matin. Je vais lui dire, on arrête, mes gamins révisent pour le bac. Peut-être qu'en juillet, il ne me croira pas. Mais là, aujourd'hui, je risque d'être un petit peu peinard. pas bête. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 comme tout, hein, vous retrouvez ça sur Instagram, Facebook et Twitter. Genesis. Merci Greg. Bon, avec plaisir, tu sais, j'aime rendre service. Voici That Soul. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. De Phil Collins dès le matin, c'est That Soul à 8h41. On va jouer à la banque RTL2. Un seul numéro de téléphone pour nous joindre. Un numéro, 4 chiffres, 32 28. Ou sinon, vous envoyez le mot banque par SMS au 74 900. Et puis, j'ai envie d'écouter YouTube comme ça. You're the best thing about me à suivre sur RTL2. A tout de suite. RTL2 présente Jacob Banks. Yo, I'm Jacob Banks on RTL2, the pop rock radio. Dès que vous entendez Unknown to You de Jacob Banks, soyez les premiers à appeler RTL2 au 3228 et gagnez un smartphone Samsung Galaxy S9. Jacob Banks, vous l'avez découvert sur RTL2.

RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. La banque, la dernière banque du jour. Alors, et c'est avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Greg, bonjour, bonjour. Justine. Bonjour, bonjour Delphine, ça va ? Je suis hyper stressée, mais ça va bien. Oh non, on est à la cool, on est entre nous. Oui. Oui, enfin, en vrai, à chaque fois, on dit ça. Ben oui, non, mais je comprends. Mais ouais, moi aussi, ouais. Je comprends complètement. Mais vraiment, on veut juste vous offrir des cadeaux. Voilà, oui, vous êtes à Bézieux, c'est près de Lille. Et vous allez triompher dans cette banque, je n'en doute pas. Vous êtes fan de Bruno Mars, qu'on a écouté tout à l'heure. Du coup, oui. Vous avez chanté et dansé dès le matin. Je suis au taquet. Et vous avez peut-être entendu la banque de 7h45. Faites attention au coffre vide, hein, Delphine. Oui. Évidemment, comme à chaque fois, c'est à vous de décider. Une sorte de kit ou double, cette banque. On y va, vous êtes prête, Delphine ? Oui, je suis prête. Allez, top chrono, une minute. Coffre 1. Un tube de crème solaire. Je passe. Il va faire beau, mais enfin, je vous comprends. Oui, coffre 2. Un séjour Béo Resort. Ah, séjour Béo Resort. 1674 euros ce séjour. Et c'est où exactement ? C'est en Normandie. Je passe. Coffre 3. Une montre Suunto. Montre connectée, 250 euros. Je passe. Coffre 4. Un multicuiseur Thomson. 700 euros. Le fameux. Oh là là. Coffre 5. Un week-end en Provence avec weekendesk.fr. 20 secondes. Je passe. Coffre 6. Une console Nintendo NES Classic Mini. Oh, je passe. Coffre 7. 10. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. 5 des secondes. Objets pour la maison. Et coffre 2 secondes. 8. Oh là là là là là là. Là, vous êtes arrivé au bout du bout, là. Plus de 3000 euros de cadeaux étaient remplis dans ces coffres, cachés dans ces coffres, autant pour moi. Vous cherchez quoi, Delphine, dites-moi. Je cherchais de l'argent, du cash. Bon, écoutez, Delphine, c'est le jeu, voilà, vous avez pris des risques, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout, ça n'a pas payé malheureusement ce matin, on vous offre, alors pour l'été, vous allez me dire, tiens, c'est un peu moqueur, mais pas du tout, c'est un pèse-personne intelligent et connecté, My Scale Analyzer de Bewell Connect, qui est le leader français de la santé connectée, c'est une belle machine, c'est pour vous et ça vous donnera le moral. Toi, tu sais faire plaisir aux femmes. C'est déjà top. On a ça comme cadeau et on l'offre. Je rajoute un mug, évidemment. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée. Belle journée à tous. Et Delphine, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2 ? Un double expresso, bien sûr. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Californication sur RTL de 8h55. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Et comme à chaque fois, pour clore ce double expresso RTL 2, nous retrouvons Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. Ça va, ta matinée s'est bien passée? Franchement, tout s'est bien déroulé et je suis content, on va bien terminer. Ah, ça c'est cool, on va parler animaux. C'est une promesse. Bonne nouvelle, 200 cochons d'Inde ont été relâchés dans la Sarthe par leurs propriétaires. Ouais. Pleine liberté. Alors c'est bien de leur redonner cette liberté, mais il y a quand même une sacrée trotte entre la Sarthe et l'Inde, ça va être un peu compliqué pour... Tu l'as pas fait, c'est pas vrai. Je refuse de croire que t'es payé pour ça. Ils veulent rentrer chez eux. Vraiment? C'est la fin d'émission. Il a mal dormi. Il a mal dormi. Faut bon. Le savoir. Petite info politique, le député UDI Yves Jégo annonce qu'il quitte la vie politique et l'Assemblée nationale. C'est dingue, quoi. 200 cochons d'Inde dans la nature. Excusez-moi, j'insiste sur les infos importantes. Yves Jégo. Qu'est-ce qu'il veut? Et enfin, petite info insolite, la commune de Montéton, en Lot-et-Garonne, lance un appel aux dons de soutien-gorge. Ah bah oui. Ça, c'est vraiment insolite. J'espère que la commune de Moncu ne va pas faire pareil, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et bah, bonne journée. Alors celle-là, ça c'était chic. Elle est faite. On la chiffonne. Voilà. Merci de déformer l'actu comme personne. Bad Boy Zombie, Kevin Olivier sur jackpot de 500 € pour terminer brillamment ce double expresso RTL 2. À tout de suite. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien